Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Denis Veilleux. Le Centre civique du secteur de Dorbeau, hier, il y avait des matchs pour le tournoi des retraités. Ça se déroulait hier, donc on a quelques résultats à vous partager ce matin. D'abord, hier, Gaétan Lavoie de Chicoutimi a affronté Jean Drapeau et c'était un gain pour Gaétan Lavoie. À noter également que du côté de Alain Tremblay, il a affronté Claude Villeneuve, Alain Tremblay d'Allemagne et Claude Villeneuve de Kenagami, et c'était un gain pour Claude Villeneuve. Jacques Richard de Dolbeau-Missisigny a défait Daniel Brendel. Et Gabi Perron de Dolbeau-Missisigny a battu Paul Gagnon d'Alma. Donc, ça se poursuit aujourd'hui au Centre civique du secteur de Dolbeau, le tournoi des retraités du club de Kerning de Dolbeau-Missisigny. Maintenant, on va vous donner le classement APOC selon le site internet classementapoc.com qui sert à déterminer évidemment le classement des équipes double lettre en province. Et d'abord, on va vous donner maintenant du côté de la catégorie Bantam 2B. On retrouve les Rapides de Dolbeau-Missisigny. Ça va mieux pour les Rapides, 22e rang. Les Ambassadeurs de Chicoutimi occupent le 28e rang. Au niveau Midget, on retrouve les Castors de Dolbeau à 42e place. Les Ambassadeurs de Chicoutimi au 53e rang. Et une équipe qui n'est pas habituée trop d'être là, c'est le Marcos Pop de Saint-Félicien. Ils sont au 61e rang. Au niveau maintenant du côté junior, également, à noter que les Éperviers de Normandin et les Sabres d'Orbeval, c'est les Sabres d'Orbeval qui sont devant les Éperviers. Les Sabres sont 21e et les Éperviers de Normandin sont au 26e rang. Transaction maintenant du côté de la Ligue du Lac au Fleuve, une transaction impliquant 6 joueurs. Le multiconcessionnaire de Dolbeau-Missisigny envoie Michael Gagnon, Jean-Simon Girard et Yannick Bouliane à l'excavation à Savard, en retour de Marc-François Bernier, Michael Larue et Yona Konichich. Maintenant, du côté du football collégial, c'est les quarts de finale qui vont avoir lieu en fin de semaine. Les Gaillards de Jonquière vont affronter l'Apocatière. Et les Gaillards ont appris une mauvaise nouvelle puisque William Saint-Pierre de Dolbeau-Missisigny a subi une commotion cérébrale dans le match de samedi. Et François Laberge mentionne que William Gagnon devrait remplacer William Saint-Pierre au poste de demi-coin. À ce temps-là, il y a avec des tapings et tout, mais pour une commotion cérébrale, c'est clair que nous, le protocole est très serré. Puis on va prendre aucune chance avec William. Donc, il est rayé de l'alignement, on le sait depuis hier. Ça s'est confirmé hier avec le biais du médecin. Pour nous, c'est clair que bon, on a notre demi-défensif, William Gagnon, qui vient de Dolbeau aussi. Lui est prêt, donc c'est William qui va prendre le spot de partant comme demi de coin côté fort. Donc c'est William qui va le prendre. On est parfaitement à l'aise avec William. Puis si jamais on a des blessures et tout ça, ben là, on a prévu des plans B, C et D là, avec des receveurs qui vont travailler un petit peu à défensive aussi. Parce qu'en étant en quart de finale, on est all-in. Donc le meilleur joueur disponible va embarquer dans la situation. Mais pour le spot de partant, on est zéro inquiet avec on est très bien avec Simon Gagnon. François Laberge nous parle évidemment de l'équipe de l'Apocatière. C'est une très bonne équipe, une équipe qui a vraiment une belle progression, qui a commencé l'année jusqu'au bye week. Ils ont terminé à la semaine de congé. Ils étaient 1-4. Ils ont terminé avec 3 victoires consécutives, dont la première victoire de l'histoire du programme à Rimouski. Une belle victoire de 22-7. C'est une équipe qui, défensivement, donne pas beaucoup de points. Protège bien son équipe. Des gros bonhommes aussi. Ils ont toujours eu des beaux gros bonhommes. Des bons secondaires aussi qui jouent physique. Des demi de coin assez athlétiques, assez agiles. Ils ont également un excellent carrière de troisième année là, qui a vraiment une belle progression cette année encore. Donc, il court beaucoup avec ses jambes. Donc, il y a plusieurs choses à surveiller avec cette équipe-là. Durant la saison régulière, c'est l'équipe qui nous a donné le plus de fil à retordre. Pendant ce temps-là, William Gagnon se dit fin prêt à prendre la relève de William Saint-Pierre en entrevue hier sur les ondes de danazosport.com. Ici, à quoi s'attendre pour le match dans fin de semaine contre l'Apocatière? Stress, mais tu sais, c'est du bon stress. Là. C'est pas du mauvais stress, je pense. J'attends ça fait 2 ans, là, donc c'est sûr que je vais prendre ma chance. Et donc, écoutez la section entrevue de danazosport.com. Hier, on a parlé avec William Gagnon des Gaillards de Jonquière. Également, je me suis entretenu aussi avec plusieurs intervenants dans le monde du sport. Sport local et régional à danazosport.com. On s'en occupe.